c'était le feu vivant, la sève de ces printemps. Dans le cœur de j'ai vu naître la terre, le cœur de l'univers. Dans mon coin de paradis, j'ai vu naître la vie. Yeah.